sentir comme une chasse, comme une ouf. Car pas se mentir, bêta dit bah bêta dit ouf. Gagne ça fier, et je bénis ça, et je bénis.